Chapitre 175. La recommandation pour le voyageur de rentrer chez lui dès que ses affaires sont terminées. 984. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Le voyage est une part du châtiment, car il prive le voyageur de sa nourriture, de sa boisson et de son sommeil. Aussi, lorsque l'un de vous atteint le but de son voyage, qu'il rentre chez lui rapidement. » Al-Bukhari et Muslim.